Vous êtes à l'écoute de Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Et en ce début d'année, il est d'usage courant de regarder ce qu'il sera surveillé dans l'année à venir. C'est ce que nous allons faire avec la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Quels sont les dossiers chauds des derniers mois et dont on peut s'attendre de développement dans la prochaine année? Et quels sont les grands enjeux qui occuperont la Commission en 2009? Alors, pour nous en parler, accueillons Dominique Clich, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour, Dominique. Bonjour. Alors, Dominique, quels sont les incontournables pour 2019? Quels sont les dossiers qui vont retenir l'attention de la Commission? Non, alors, évidemment, le monde des sciences et des technologies, c'est quelque chose qui est très effervescent. Donc, il y a une foule de thèmes qui mériteraient notre attention. Qu'on parle de la collecte massive de données en lien avec la protection de la vie privée, le développement des applications de l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en parler un peu. Profilage et discrimination génétique. On a eu l'an dernier tout un débat autour de ça avec un projet de loi sénatorial et un projet de loi fédéral. L'aide médicale à mourir, évidemment, qui est encore dans les actualités aujourd'hui, l'obsolescence programmée et j'en passe. Mais je vais attirer votre attention en fait sur trois thèmes d'actualité là, qu'on va pouvoir aborder en rafale, qui posent des enjeux relativement court terme, mais c'est, on pourrait dire, notre top 3 là, de ce qu'il faut surveiller en 2019. Donc en premier lieu, la naissance, je vais dire présumée, hein, en Chine à l'automne dernier, des premiers bébés génétiquement modifiés. Ça va m'amener à vous parler de modifications génétiques d'embryons humains. Deuxièmement, les développements en intelligence artificielle, eux, m'amènent à vous parler de leurs effets sur le monde de l'emploi. Et enfin, troisièmement, la constante croissance de l'économie numérique, là, m'amène à vous parler des conséquences environnementales du numérique dans un contexte de crise climatique. Le GIEC nous l'a rappelé encore une fois récemment, à savoir l'économie numérique est-elle vraiment une économie qu'on dit dématérialisée? Effectivement. Alors, allons-y. C'est lors du sommet international de l'édition du génome humain qui s'est tenu à Hong Kong en novembre dernier que le chercheur chinois He Jiankui a fait une annonce qui en a surpris plus d'un dans la communauté scientifique. Oui, en effet. Le docteur He a prétendu à ce moment-là avoir procédé à une modification des gènes sur les embryons de deux jumelles, nommées Lulu et Nana. Et ça, au moyen de la technologie CRISPR-Cas9. Donc, je pourrais y revenir. Mais surtout, il a prétendu que ces enfants-là étaient nés viables. Et donc, au-delà de la surprise, là, on parle même de la consternation là, dans la communauté scientifique et au-delà, parce qu'une telle intervention est criminalisée, en fait, carrément, dans l'essentiel des pays du monde pour des raisons médicales et éthiques que je dirais même assez évidente. Et si les prétentions de ce chercheur-là s'avèrent, donc on aura franchi une frontière extrêmement sensible lorsqu'on parle de modification génétique de l'être humain. Exactement. Donc, il est interdit de laisser se développer des embryons humains utilisés pour la recherche au-delà de 14 jours. Et là, on parle maintenant d'une grossesse qui a été menée à terme, donc, et d'enfants qui vont avoir à vivre avec les conséquences assez imprévisibles encore de ces interventions-là sur leur santé. Et quelle était précisément l'intervention en question? Donc, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie ciblée du génome, donc du gene editing. Ça consiste à modifier intentionnellement l'ADN dans le but de changer des caractéristiques ciblées dans un organisme, donc à inactiver, modifier, supprimer ou remplacer des gènes. Lorsque ça porte sur des cellules germinales, des embryons à un stade très précoce de développement, c'est des modifications qui sont génétiquement transmissibles à la descendance. Donc, on parle d'influer, dans le fond, sur le pôle génétique de l'humanité. Exactement. Donc, dans le cas qui nous occupe, en fait, les chercheurs ont introduit un variant génétique qu'on retrouve chez certaines populations qui confère une immunité contre le VIH, soit le virus responsable du sida. C'est une protection qu'évidemment, de prime abord, on peut trouver louable, mais qui est quand même difficilement vérifiable. Il faudrait exposer l'enfant en question de manière répétée au VIH, qui évidemment est une pratique assez contraire à l'éthique, vous comprendrez. La modification génétique s'est faite au moyen de la technologie CRISPR-Cas9, que j'énonçais plus tôt. C'est une technologie qui cible une portion spécifique de l'ADN et qui vient la sectionner. Donc, on appelle ça aussi le ciseau génétique, là, quand on veut vulgariser un peu la question. Et ensuite, une fois que la section, la coupe a été faite, dans le fond, on peut intégrer une nouvelle séquence d'ADN, en retirer une ou la remplacer par une autre. Donc, certains vont pouvoir faire le parallèle avec un coupé-collé là, qu'on pourrait faire dans un traitement de texte. Oui, comme dans un logiciel de traitement de texte. Exactement. Et bon, évidemment, dans le logiciel de traitement de texte, c'est très précis. On coupe bien ce qu'on veut bien couper et c'est la même chose qui peut être collé par la suite. Et on peut vérifier après aussi si c'est bien tout fait. Tout à fait. Et dans le cas de l'édition génétique, bon, c'est précis dans une certaine mesure si on le compare avec les techniques antérieures pour faire la même chose. Mais il y a des risques quand même encore importants de modifications hors cible, donc qu'on appelle des off-target, ou d'effets imprévus qui sont liés à l'interaction entre les gènes. Donc, évidemment, vous savez, la génétique, c'est un ensemble d'interactions extrêmement complexes. Donc, difficile de savoir exactement quelles en sont les conséquences. Donc, en plus des risques pour la santé de l'enfant, parce que tout ça comment les gènes vont ensuite se comporter. Exactement. Ça a un impact sur la vie de cet enfant-là. La technologie en question, va soulever d'autres enjeux éthiques. On peut se demander jusqu'où peut aller l'autonomie reproductive de couples qui sont porteurs d'une maladie génétique transmissible et qui souhaitent néanmoins avoir un enfant qui porte leur gène. Et c'est pour ces couples-là, on s'entend que ces technologies-là sont développées. Puis on peut se demander aussi si c'est acceptable de faire des modifications génétiques qui vont être transmissibles à la descendance et donc de jouer ainsi avec le pool génétique de l'humanité. Oui, puis ça pourrait même aussi, des fois, se faire pour des raisons idéologiques. Oui, mais là, quand on parle de bébé sur commande ou designer baby, là, excusez-moi. Ou une race meilleure aussi. Hein, ah oui, bien là, si on rentre dans l'eugénisme en bonne et due forme, effectivement. Là, Alors, ces enfants seront donc vraisemblablement sous haute surveillance médicale, j'imagine. Oui, les deux jumelles, et encore une fois, j'insiste, si elles existent bel et bien, comme on nous les a présentés, parce que c'est quelque chose qui n'a pas pu être vérifié par la communauté scientifique, ils vont devoir être suivis très certainement. Il y a plusieurs médecins généticiens qui vont vouloir suivre ça de plus près. Mais bon, chez nous, l'enjeu est quand même assez différent. C'est illégal de procéder à ce genre de modification-là sur des embryons humains au Canada. Donc, la question qui se pose chez nous, c'est plutôt de savoir si on devrait autoriser la recherche autour de CRISPR-Cas9 sur des embryons humains de moins de 14 jours, à l'instar du Royaume-Uni qui l'a fait à partir de 2008. Donc ça, ce sera une première étape pour évaluer la faisabilité, l'acceptabilité sociale aussi, de pousser plus loin les expériences en ce sens-là, jusqu'à de véritables naissances. Mais même cette première étape-là peut ouvrir une boîte de Pandore. Est-ce que vous avez un exemple de ce qu'on pourrait trouver effectivement dans cette boîte de Pandore? Oui, effectivement. Un des enjeux, c'est celui de l'accès aux ovocytes ou aux ovules et celui de la rémunération des donneuses. Donc, la recherche préclinique dans ce domaine-là, évidemment, nécessite l'accès à de nombreux ovocytes. Ce sont des produits, j'utilise plutôt le terme, rare, qui sont rares, qui doivent être donc donnés parce que la rémunération est interdite au Canada. Donc, le don d'ovocytes comporte des risques quand même importants pour les femmes. Et donc, peu de femmes sont enclines à donner des ovules. Les chercheurs doivent donc importer des ovules d'autres pays. OK. J'imagine que les gars qui donnent du sperme, c'est pareil aussi. J'imagine qu'ils ne peuvent pas être rémunérés pour ça. Tout à fait. Alors, évidemment, de quel risque est-ce qu'on parle ici, Dominique? Bien, le don d'ovules, en fait, peut nécessiter la prise de médicaments pour la donneuse afin de stimuler les ovaires pour produire plusieurs ovules matures. Donc, ces médicaments-là posent un risque relativement faible tout de même, mais quand même préoccupant, de développer ce qu'on appelle un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Mm-hmm. C'est un syndrome qui entraîne des nausées, des vomissements, douleurs abdominales, par exemple, ainsi que jusqu'à la difficulté à respirer, des dysfonctions rénales. Donc, c'est quand même des risques qui sont importants. Et normalement, on va chercher à réduire ou à éviter carrément ce genre de risque-là sur la base du principe de non-malfaisance en éthique. Donc, l'idée de ne pas nuire, vous savez, c'est le premier principe du serment d'Hippocrate, le premier code d'éthique médicale connu qui date de la Grèce antique. Et ce qui amène certains, en fait, à se dire qu'en compensation pour ces risques-là, on devrait permettre de rémunérer les donneuses d'ovules. Donc, selon eux, en plus de limiter l'accès aux ovocytes, donc de ce qui serait nécessaire pour la recherche, l'interdiction de la rémunération, c'est une entrave aux droits individuels. Donc, un des principaux arguments contre l'interdiction de la rémunération, c'est que ça va à l'encontre de l'autonomie des personnes qui, en fait, devraient être libres de disposer de leur corps comme elles le souhaitent et donc de pouvoir entrer en relation contractuelle avec les uns avec les autres, des relations commerciales pour vendre des portions de leur corps. Pourtant, la rémunération est interdite, mais pourquoi est-elle interdite? Oui, bien, c'est ça. Au Canada, en fait, on a privilégier le principe de non-commercialisation du corps humain et de ses produits. Et donc, selon ce point de vue-là, vendre ses ovules contribue en fait à l'instrumentalisation des personnes et à la marchandisation des produits biologiques, donc évidemment. Mais de plus, on peut aussi craindre en fait que si la rémunération était permise, ce seraient les femmes les plus défavorisées qui proposeraient leurs services, qui seraient contraintes d'une certaine manière par la pauvreté, motivées par des incitatifs financiers. Et donc, les exposeraient là, à de l'exploitation. Ce qui, en contrepartie, rentre en contradiction avec le principe d'autonomie aussi de non-malfaisance. Donc, l'autonomie des femmes à disposer librement de leur corps d'un côté, et donc potentiellement à vendre des ovules, mais de l'autre côté, l'autonomie aussi de ces femmes-là vulnérables qui pourraient se retrouver en situation d'exploitation. Ouais, tout à fait. Oui. Donc, il faut quand même noter là, que l'importation d'ovules est légale, elle, de son côté, et donc, en fait, ce qu'on se trouve à faire, d'une certaine manière, c'est de transférer ce risque d'exploitation-là à des femmes vulnérables à l'étranger, ce qui soulève maintenant encore des enjeux d'équité internationale. Donc, ce qu'on refuse de faire au Canada pour protéger notre population, on se retrouve à le faire par la bande à l'étranger avec des personnes qui sont potentiellement encore plus vulnérables. Mais bon, Outre la vente et l'achat, il existe d'autres solutions, là, potentiellement moins controversées, pour régler le problème de la rareté des ovocytes, mais ils ont aussi leurs limites. Et c'est sur ces questions-là que la commission s'est penchée, en fait, celle-là et d'autres, hein, autour de la question de l'ingénierie ciblée du génome. Et un avis sera publié là, par la commission là, dans les prochains mois, portant spécifiquement sur la modification génétique des cellules germinales et des embryons humains. Alors, c'est certain qu'on va en reparler. Avec plaisir. Oui, hein? Et le deuxième sujet que vous voulez aborder est celui de l'intelligence artificielle. Oui, bien, en 2018, on a beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle, ou comme on l'appelle des fois par son petit nom, l'IA. Donc, on a eu le lancement de la Déclaration de Montréal sur l'utilisation responsable de l'IA, la mise sur pied d'un observatoire interuniversitaire sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique, là, qui a été financé par le scientifique en chef du Québec récemment, le financement de grappes industrielles, donc tant au provincial qu'au fédéral, des ententes France-Québec sur la question d'intelligence artificielle, ainsi que la création de l'Académie des transformations numériques à l'Université Laval, en partenariat avec le gouvernement du Québec, avec notamment une chaire de recherche sur les répercussions des transformations numériques sur les emplois, etc., etc., etc. Énormément d'initiatives. Donc, l'IA est vouée, le semble-t-il, à révolutionner plusieurs aspects de nos vies, donc il y a beaucoup de recherches qui se font autour de ça. Mm-hmm. Un des aspects qui a retenu beaucoup l'attention, et je parlais de la chaire de recherche sur cette question-là, justement, c'est sur le travail et l'emploi. Quelles sont les conséquences de l'introduction de l'intelligence artificielle dans nos milieux de travail? Plusieurs experts craignent, en fait, que le recours croissant à l'IA conduise à l'éviction carrément d'humains de certaines catégories d'emplois, telles que le travail en usine, comme ça a été le cas avec l'industrialisation, l'automatisation par le passé. D'autres vont beaucoup plus loin. Donc, au-delà de l'automatisation, comme on a connu un peu du travail de manutention, là, pour eux, l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer du travail cognitif, carrément. Ah. Donc, on va ébranler des pans entiers du marché du travail en remplaçant des emplois qui exigent des capacités intellectuelles beaucoup plus avancées. Donc, des machines seraient en mesure de posséder plus de connaissances, entre guillemets, c'est-à-dire traiter beaucoup plus efficacement une grande quantité d'informations et seraient même en mesure de prendre des décisions complexes. Et donc, ce qui, nous, à la Commission, nous a amené à nous poser la question suivante, c'est-à-dire quand les robots vont prendre notre place, là, finalement, c'est qui va payer notre loyer? Effectivement, c'est une question très pertinente. Et le rôle croissant, en fait, que l'intelligence artificielle est appelée à jouer ne sera pas nécessairement au bénéfice des travailleurs. Il pourrait bien contribuer à la croissance des inégalités qu'on observe déjà aujourd'hui dans le monde, non? Bien, effectivement, on le sait, les inégalités de socio-économiques sont croissantes et donc, si rien n'est fait, hein, on peut s'attendre à ce que l'intelligence artificielle y participe à ça. Donc, les modifications de l'emploi peuvent occasionner beaucoup de bouleversements socio-économiques, donc évidemment l'accentuation des inégalités sociales. Plusieurs pays pourraient même être forcés à revoir une bonne partie de leur fonctionnement économique, là, s'il y avait une grande quantité de travailleurs, par exemple, qui se retrouvaient au chômage ou qui devaient se reconvertir vers d'autres types d'emplois. Donc, tous ces bouleversements-là, en fait, nous amènent à poser plusieurs questions assez fondamentales parfois, notamment est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque au travail? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un besoin existentiel de travailler? Mm-hmm. Et si le travail est effectivement un besoin, mais est-ce qu'on a un devoir social de fournir un emploi à cette portion-là de la population qui se retrouvera au chômage? Ou si, de l'autre côté, on se dit, ben, ce qu'il faudrait, c'est davantage une redistribution de la richesse et de favoriser l'oisiveté, hein, si on veut, des gens qui pourraient travailler à temps partiel, donc avoir une distribution différente des emplois. C'est ça. Est-ce que les inégalités socio-économiques, évidemment, vont être accentuées? On en parlait. Donc, ceux qui vont voir leur emploi disparaître, bien qu'ils vont pouvoir normalement s'adonner à d'autres activités qui sont créatrices de valeurs non économiques, donc qui sont quand même d'une utilité sociale, vont devoir néanmoins avoir, comme je disais, les moyens de leur oisiveté. Est-ce que c'est un soutien de l'État qui va être possible? C'est à débattre. Hein. Il y a toute la question du revenu minimum garanti qui a été débattue dans les dernières années. Ça revient sur la table avec les questions d'intelligence artificielle. Puis, bon, évidemment, il est probable que les personnes les moins qualifiées soient davantage touchées par ces développements-là. Et encore une fois, ça accentue leur situation de vulnérabilité économique. Enfin, bon, ultimement, la question, c'est de savoir si la technologie en question est développée au bénéfice de l'ensemble de la société. Et sinon, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour pouvoir le rendre au bénéfice de tous? Et que répond la commission de l'éthique à toutes ces questions? Oui, bien, la commission, en fait, va faire paraître dans les prochains mois un document de réflexion sur les enjeux éthiques soulevés par l'intelligence artificielle et ses conséquences dans le monde du travail. Et ça sera donc l'occasion pour nous de faire le point sur ces questions. On a quelques idées, quelques propositions, mais je vous rappelle quand même que la Déclaration de Montréal a déjà aussi comme objectif de poser les balises d'une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Ça peut être une référence en ce moment sur la question. Oui. Et finalement, vous ciblez un troisième enjeu à surveiller, soit les conséquences environnementale du numérique et cette supposée dématérialisation qui l'accompagnerait. Oui, tout à fait. Un autre événement d'importance de la fin de l'année 2018, c'est la publication en octobre dernier du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un rapport qui sonne l'alarme sur l'imminence de catastrophes environnementales advenant le réchauffement de plus de 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère industrielle, et donc sur l'urgence d'agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on fait face à ce qu'on appelle en éthique un risque existentiel, c'est-à-dire une situation où la survie même de l'espèce humaine ou de nos civilisations telles qu'on les connaît est en péril. Et les technologies numériques seraient partiellement responsables de la crise climatique? Oui, c'est là où je vais en venir. Beaucoup d'attention est mise sur les combustibles fossiles, sur les secteurs de l'énergie, du transport, ainsi que sur l'alimentation. C'est évidemment des secteurs où les actions doivent être prises, qui sont très importants dans le réchauffement climatique, mais il y a quand même quelques grands oubliés, dont les technologies numériques. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie faisait d'ailleurs mention dans la lettre qu'elle a adressée à la ministre québécoise responsable de la stratégie numérique, donc l'ex-ministre, devrais-je dire, responsable de la stratégie numérique, au moment où la stratégie en question a été publiée, à la toute fin de l'année 2017. La Commission soulignait à ce moment-là l'importance d'inclure, en plus des cibles de performance, une évaluation rigoureuse des impacts sociaux et environnementaux de la mise en œuvre de la stratégie numérique. Par exemple, la prolifération des appareils électroniques ainsi que la consommation énergétique des centres de stockage de données sont des éléments extrêmement importants à considérer pour toute stratégie qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. En effet, ça peut donner l'impression que tout ça est surtout virtuel, dématérialisé, qu'on économise du papier, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une véritable invisibilité des conséquences environnementales de notre utilisation des technologies numériques, que ce soit individuellement ou collectivement. Pourtant, juste à titre d'exemple, un seul courriel a une empreinte carbone d'environ 5 à 10 grammes de CO2. C'est quand même incroyable. En soi, c'est petit, mais il faut penser à la quantité astronomique de courriels qu'on envoie, qu'on reçoit. Et surtout, là, j'attire votre attention sur votre boîte d'éléments supprimés. Si vous ne l'avez pas vidé récemment, pensez-y. Tous les courriels qu'on archive, qui nécessitent l'utilisation de centres de stockage informatique, sont, eux, très énergivores. Et ça, on ajoute à ça nos ordinateurs, les routeurs, les réseaux. Pour ces mêmes raisons-là, chaque recherche sur Google a un coût énergétique que certains sites ont commencé d'ailleurs à répertorier. Là. OK. Et environnemental aussi. Là. Oui, bien sûr. Donc on peut penser aussi aux multiples demandes qu'a eu Hydro-Québec au début de l'année 2018 là, de la part d'entreprises de traitement de données liées à la crypto-monnaie, là, comme le Bitcoin, des centres qui sont tous appelés des centres de minage ou des fermes de crypto-monnaie. Ces demandes totalisaient à ce moment-là plus de 10 000 mégawatts, soit le quart de ce que la société d'État est capable de fournir à tout moment. Et là, on parle au Québec quand même où on a de l'énergie propre, on a l'hydroélectricité, mais il faut penser à l'ensemble de la planète là, où il y a ces fermes de crypto-monnaies-là ont commencé à apparaître un peu partout, avant que le Bitcoin perde beaucoup de sa valeur plus récemment et que le problème s'efface un peu. Mais quand même, c'est une énorme dépense énergétique pour un seul des aspects là, des technologies de l'information. Et collectivement, ça correspond à une empreinte de carbone de quel ordre, Dominique? À l'heure actuelle, il y a 80 % de l'électricité qui est utilisée par les centres de stockage de données qui provient de la combustion fossile. Puis on est estimé que l'écosystème numérique consommera d'ici 2020 autour de 12 % de toute l'électricité mondiale. Il va produire 3,5 % des émissions de carbone, ce qui est déjà plus que l'aviation et le transport maritime combinés. Il y a d'autres études qui parlent d'une augmentation de l'empreinte carbone de l'ensemble des technologies d'information qui représentait en 2007 1 % des émissions, mais qui devrait atteindre 14 % des émissions en 2040, ce qui équivaut à autant que la moitié du secteur du transport au complet, donc le routier aussi. Donc, quand même, 14 % des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas négligeable. Donc, à titre d'exemple, encore une fois, actuellement, si Internet était un pays, il serait le quatrième plus grand producteur de gaz à effet de serre derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Incroyable. Et à tout ça, évidemment, on n'a même pas encore parlé des problèmes qui sont liés à l'utilisation des matériaux toxiques dans la fabrication des appareils, à l'accumulation des déchets électroniques post-consommation, ce qu'on appelle le e-waste. Et donc, dans un contexte où les sociétés technologiquement avancées comme les nôtres, on s'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le stockage, le forage de données massives, l'informatisation de entier de l'activité humaine. Je pense qu'il convient de se questionner sur les conséquences de ces technologies, sur la consommation d'énergie, sur l'environnement plus généralement. On se rappelle, encore une fois, que ce sont des questions cruciales et que notre survie en dépend. Ouais, tout à fait. Alors, Futur Simple va suivre le développement de ces dossiers à la Commission. Merci beaucoup, Dominique. Avec grand plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller en éthique à la Commission d'éthique en sciences et en technologie du Québec.